Ceci est une lecture de Léa pour audiocité.net. Ave Maris Stella. Salut, étoile de la mer, mère nourricière de Dieu et toujours vierge, bienheureuse porte du ciel. En recevant cet ave de la bouche de Gabriel et en changeant le nom d'Ève, établis-nous dans la paix. Enlève leurs liens aux coupables, donne la lumière aux aveugles, chasse nos maux, réclame-nous tous ses biens. Montre-toi notre mère, qu'il accueille par toi nos prières, celui qui, né pour nous, voulut être ton fils. Vierge sans égale, douce entre tous, quand nous serons libérés de nos fautes, rends-nous doux et chastes. Accorde-nous une vie innocente, rends sûr notre chemin, pour que, voyant Jésus, nous nous réjouissions éternellement. Louange à Dieu le Père, gloire au Christ Roi et à l'Esprit Saint, à la Trinité entière, un seul hommage. Amen.